Jésus-Christ. Venons pour la lecture de la parole. Je l'amour. Sandi kwa bahati inatupatia ya kuya mwimbo wako. Atukuye sabandu baaki Senyor, tunakuya na mauzaifu yetu, makosefu na mazambi, na tukuni tula kumiguu yako. Juu inaandikwa ndani maneno yako, unasema mkuje kwangu nini weni kulemewa na kuchoka, na kama mnakuya manilia mizigo yenu nitempumzisha. Certainement, Seigneur, tunakuya kwako upate kutupumzisha. Tunakuwa mnyumba yako ya mashauri upate kutushaudia. Ulituonesha kupitia roho yako ya kusema sawa bantu, tukunaitikia kwa wepesi mashauri ya watu na tunakatala mashauri yako. Ila attitude, Seigneur, haikupendezi wewe Mungu, na siye sawa watoto yako tutende mule na muna. Ndio maana ufungue mashibio yetu ya kiroho. Kwa wakati hilo yako itanitusungumuzia, Mungu tukwe tayari kwa kupokea maneno yako na kuishi. sipokuwa tunaacha mtumishi wa chombo ndani yako tanenea mikononi mwako, umunyanyue juu sana pamoja naye makutano yote mzima. Tunapenda Mungu tufungiwe muro mmoja kusudi watasema na sisi tutasikia, kama tunakuwa muro mmoja hakika uzima itakuwa ndani yetu. Ndio maana ubariki mkusanyiko hii kumwanza na kumwisho katika jina mwana wa kumupendwa Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo. Amen. Deuxième chronique 26. Makumi mbili na sita ya mambo ya siku ya pili. Nous commençons au verset 6. Tutanjia mstari yake ya sita. Jusqu'au verset 15. Tutaenda paka makumi na tano. Ozias se mit en guerre contre les Philistins. Ozia akakombana na Wafilistini. Et il a battu les murs de Gath. Akapomoa maukuta ya mji wa Gati. Les murs de Jephne. Na maukuta ya mji wa Jephna. Et les murs d'Astod. Na maukuta ya mji wa Asdodi. Et construisit des villes dans le territoire d'Astod et parmi les Philistins. Na kajenga mamiji kati ya majimbo ya Astodi na kati ya majimbo ya Filistina. Dieu l'aida contre les Philistins. Mungu akamsaidia kushinda wa Filistini. Contre les Arabes qui habitaient à Gilbal. Akashinda wa Arabu waliotoka mji wa Gurbari. Et contre les Mamonites. Na watu wa Kumamuni. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias. Watu wa Ammonite walikuwa natoa masadaka kwa kabila ya. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Akavumu yake kaenda mpaka mipaka ya mji ya. Car il devint très puissant. Maana yeye akakuwa na uwezo sana. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle. Ozias kajenga maminara kwa Jerusalem kwa mulango. Sur la porte de la vallée. Na kumulango wa mubonde. Et sur l'angle. Na kuchongo. Et il les fortifia. Na ayo akaitia na maukuta. Il bâtit des tours dans le désert. Akajenga maukuta mchangwa. Et il creusa beaucoup de citernes. Na kuchimbua mashikumba. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Maana alikuwa na wanyama wengi katika mabonde na mkiwanja. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. Na walimaji na wakupanda mizabibu kwa milima na car il aimait l'agriculture. Maana yeye alipenda kilimo. Ozias avait une armée de soldats. Ozias alikuwa na jeshi kubwa ya askari. Qui allait à la guerre par bande. Walikuwa naenda kuvita mkikosi. Compté d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jael. Benye kuwa mwingi ambayo secrétaire Jael aliwezi kuhesabu. Et le commissaire Maseja. Na jemadari Maseja. Et placé sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Awa waskari walikuwa chini ya uongozi wa Anania mmoja. Les nombreux autres des chefs de maisons paternelles. Wingi ya waongozi wa nyumba ya ofisi. Des vaillants guerriers. Na washujaa wa vita. Était de 2600. Ilikuwa ya 2600. Il commandait à une armée de 375,000 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques. Ozias akawaezia mangabo, mishale na makofia. Des cuirasses, des arcs et des fronts. Maupinde na mawe. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Akafanchisha ma machine ku Jérusalem ile kwa mjuzi moya pafwa. Destinée à être placée sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Yule ilikuwa yule maminara na yule manchongo kutupa mbali mawe makubwa. Sa renommée s'étendit au loin. Kavumu yake kaenda tambari. Car il fut merveilleusement soutenu. Maana yeye alishikamishwa vizuri. Jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mpaka ambayo uwezo wake ulikuwa ya mingi. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons parlé dimanche longuement sur les bons et les mauvais conseillers. Sur les bons et les mauvais conseils. Et quelle doit être notre attitude? Nous avons montré que nous devons demeurer sous l'influence, nous devons être influencés par des bonnes personnes. Nous allons encore évoluer un peu pour montrer maintenant ce qui est arrivé à cet homme. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas une garantie. La bénédiction de Dieu sur quelqu'un n'est pas une garantie dans sa vie. Et pour sa vie. La garantie et la sécurité pour un chrétien, c'est la crainte du Seigneur. En lisant 2e chronique, ce que nous venons de lire, vous verrez que d'une manière merveilleuse, la main de l'Éternel était sur Ozias dans tous les domaines. La Bible est claire. La Bible affirme que Dieu l'aida. Ce n'est pas Satan. La richesse qu'Ozias avait venait de Dieu. La puissance venait de Dieu. La crainte que cet homme inspirait venait de Dieu. La prospérité de l'économie venait de Dieu. La victoire sur ses ennemis venait de Dieu. La construction des grands bâtiments venait de Dieu. La construction des grands murs venait de Dieu. Il avait une belle armée, puissante et forte. Et tout ça venait de Dieu. Il avait des agriculteurs. Il avait des vignerons. Il avait des ingénieurs qui inventaient des machines pour lancer des bombes. Tout ça, c'était la main de Dieu dans sa vie. C'est vrai, bien-aimés frères. Parce que les Saintes Écritures disent, l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui sait élever quelqu'un et c'est Dieu qui sait aussi abaisser quelqu'un. Et Dieu bénira toujours tout homme qui se tiendra sous sa soumission. Quelqu'un qui honorera sa parole, il sera certainement soutenu. La Bible dit, sa renommée s'est tendue jusqu'au loin. Car il fut merveilleusement soutenu. maana ilishikanishwa vizuri vizuri. Il était merveilleusement soutenu. Yeye shikamishwa vizuri vizuri sana. Le merveilleux l'a soutenu merveilleusement. Ule wa majabu aliwezi kumushikamisha. Le tout puissant l'a soutenu merveilleusement. Ule mwenyeji alimushikamisha. Oh, c'est longtemps que son cœur marchait dans l'humilité. Ni wakati yote moyo wake alikuwa anatembea katika unyenyekevu. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous a averti dans le verset 5. Aiko kwa bule andiko lukutukalamusha. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Mungu, mwakati, et dans le temps où il recherchait l'Éternel, mwakati, Dieu les fit prospérer. Est-ce que vous suivez? Baliki. Vous êtes avec moi? Et je m'en aussi longtemps qu'il s'humiliait, qu'il recherchait la face de l'Éternel, qu'il obéissait au commandement de Dieu, la main de l'Éternel était au-dessus de lui. Ozias était une arme pour protéger les enfants de Dieu, pour protéger les pays d'Abraham, les enfants d'Abraham, pour protéger leur héritage. Car il fut merveilleusement soutenu. Jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Moyo wake ikamunyanyua ndio kumpoteza. Avant qu'Ozias ne soit puissant, bele ya uja awe wa uwezo, son cœur s'humiliait. Moyo wake alikuwa ninyenyekeza. Il marchait dans l'humilité. Alikuwa anatembea katika unyenyekevu. Il marchait dans le respect de la parole de Dieu. Il observait attentivement les commandements divins. Il faisait tout ce qui était agréable au Seigneur. Et Dieu le soutenait d'une manière merveilleuse. Et quand il est devenu puissant, la Bible dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler de parfums sur l'autel de parfums. Montrer toute cette belle influence de cet homme. Dieu a apprécié cela. Les hommes ont apprécié cela. La main de Dieu était au-dessus de lui. Mais voilà. Il est arrivé un temps où il se sentait en sécurité. Des murs fortifiés. Des chars se promenaient sur les tours. Il avait des guerriers expérimentés. Des guerriers qui n'ont jamais eu de défaite. Il a vu des gens qui venaient lui payer des impôts. Sa renommée était au top, à un niveau très élevé. Alors il s'est dit dans son cœur, katika moyo wake akasema, kuna ishoni kitu kanitenda mitatafuta. Que dois-je encore chercher? Parce que bitu vyote mikonapi. J'ai tout. Mais mikonapi. J'ai la richesse. Afya nikonayo. J'ai la santé. Batoto nikonayo. J'ai les enfants. Baskari nikonabo. J'ai les soldats. Ba ingénieur nikonabo. Na wajuzi. Pombe iko aina na kaji mfalme yangu. La boisson est à gogo. Économie uchumi yangu iko na prospere. Naendelea. Tatafuta tena nini? Que dois-je encore chercher? C'est ici où nous voulons encore apprendre une autre leçon. Il était très bien. Il se sentait en sécurité et il était en sécurité. Oui, bien-aimé mes frères. Quand la sécurité vient dans ton cœur, quand tu c'est le temps qu'il faut veiller beaucoup. C'est sentir bien. Ce n'était pas ça le problème. Reconnaître qu'il est en sécurité. Ça ne fait pas l'affaire. Il a beaucoup de mambo. Si seulement Ozias avait reconnu la sécurité de Dieu, avait reconnu la bénédiction de Dieu sur lui, il se sentait très bien en Dieu. Sans élever son âme, s'élever son cœur, la scène serait autre. Mambo, pas indigné. Et je ne crois pas que Dieu le condamnerait. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Si seulement Ozias après avoir vu la main de Dieu sur lui, il s'était glorifié dans le Seigneur sans élever son cœur, Dieu le soutiendrait. Parce que l'Écriture dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de m'avoir connu. Quand vous connaissez Dieu, vous vous humiliez dans la parole. Vous voyez que ceux qui veulent se glorifier, comme dit l'Écriture, ils se glorifient dans le Seigneur, c'est-à-dire reconnaissez les bienfaits de l'Éternel, publiez partout et dites: Dieu m'a béni, la main de l'Éternel sur moi. Depuis que j'ai cru, depuis que j'obtiens le commandement de Dieu, j'ai foi la sécurité de Dieu. Mais garde ton cœur humble, soumettez ton cœur à Dieu, faites tout en tout. Le Seigneur te soutiendra. Parce que jusque-là, tu fais que glorifier le nom du Seigneur. Mais la face, l'autre face, la deuxième face, c'est lorsque vous commencez à abandonner l'Éternel. Ça vous commencez une deuxième voie. Parce que devant l'homme, il n'y a que deux voies. Ou soit vous marchez dans la voie de la bénédiction. Ou soit vous marchez dans la voie de la malédiction. C'est vrai, frère. C'est pourquoi l'Écriture insiste ici. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture a détaillé comment ce roi a été soutenu par Dieu d'une manière merveilleuse, comment il est devenu puissant, comment on le craignait, comment on lui payait des impôts. Ce n'est pas pour rien. Mais sa richesse, la richesse, alors son cœur s'éleva pour le perdre. Dieu a comporté ça. Comment un homme qui avait tellement aimé Dieu depuis son enfance. Tangia uyanawake alipendaka Mungu. Qui a marché dans les pas de la parole. Aitembea katika nyayo ya neno la Mungu. Qui a marché dans la crainte de Dieu. Akatembea katika roho ya Mungu. Qui ne faisait que la volonté de Dieu. Mungu alikuwa anatimiza tu kama mapenzi ya Mungu. Est parvenu à quitter cet état d'esprit pour embrasser la voie de l'orgueil. C'est ça le problème. Quand je méditais sur ça, frère, la richesse, la prospérité a une très grande influence sur l'être humain. Faut maintenant me dire, la richesse pour les uns, c'est un dieu. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Dans tous les domaines, suivez-moi très bien. Dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines politiques, domaines économiques, domaines religieux, quand quelqu'un commence à se sentir, ou les gens, ou le peuple, ou une famille, un pays, un roi, un prédicateur, un pasteur, commence à se sentir tellement sûr. Dans la sécurité, frère, il est au bord de sa chute. S'il ne veille pas, s'il ne tient pas attention, et ne fait pas comme nous l'avons dit, nous venons de le dire. S'il ne reste pas dans les limites de la parole, ça sera terrible, sa chute sera terrible. Nous pouvons donner beaucoup de témoignages et beaucoup d'exemples. Dans le domaine politique. Dans le domaine économique. Dans le domaine religieux. Dans chaque domaine. Quand la prospérité vient et que l'homme commence à se sentir sûr, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a plus besoin d'un secours. On ne peut pas l'instruire. On ne peut pas lui apporter un conseil. C'est lui le conseiller numéro un. C'est lui qui doit donner, lui ne peut pas recevoir. C'est lui qui peut donner l'argent, les autres ne peuvent pas lui donner. C'est lui qui peut secourir les autres, pas lui. Ne peut pas être secouru. Ça devient compliqué. Ça devient trop dangereux. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Même dans ce message. Avec nous le pasteur. Avec nous les prédicateurs. Avec nos églises du message. Avec nos frères et nos sœurs. C'est là où il y a des problèmes aujourd'hui. Oui, bien-aimés frères. Dieu doit nous aider. La vie du monde nous aide. Quand je lisais, j'aime relire ces commentaires de Frère Branham. Tu veux le voir là, Frère Branham? Nous avons dit que nous ne sommes pas pressés. Nous sommes chez nous. Dans les influences au paragraphe 35. Maubiri, mauvuto, nukta makumi tatu. Je commence au paragraphe 34. Tandis que makumi tatu naini. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire ceci solennellement, mon frère, ma soeur. Mnyacho kwanja nishimame na niseme iko hii nduku na dada. Dieu a fait de vous mon auditoire ce soir. Mungu alifanya nini kanisa hii magharibi? Unja kunishikia. Unishikia. Je dois avoir le plus grand sérieux dans ce que je dis. Niko napasha kubeba bintu na moyo wote mvile niko nasema. Et vous devez avoir, vous devez m'écouter avec le plus grand sérieux. Na nini munishikie kwa utaratibu sana. Oui, bien le mes frères. Dieu nous comprenne. Je suis très sérieux avec cette prédication. Niko, comme je voulais annoncer au début là. Nani sérieux na maubiri. J'aime que l'église aussi soit sérieux comme le prophète était sérieux et son église était sérieux. Na moyo kanisa mumebe na moyo wote bibi tunasema. C'est le grand problème avec beaucoup, avec bien des gens aujourd'hui. Dieu m'a goûté tout quand il est là, on a tout vendu là. Il pense. On a quoi na waza? Nous. Asi machiye. Nous avons certains de nos frères ministres. Tout quand on a un duc ou un mode wa ministre. Certains d'entre eux arrivent au point. Na wengine, on a fait comme kipimo. Ils se sentent grands ministres. Ou ils se sentent en sécurité. Et peuvent affirmer. Nous avons ceci. Nous savons cela. Et c'est vrai. Nous avons beaucoup de ministres. Voyez. Ces ministres dans le pays aujourd'hui commencent à boire. Parce qu'ils se sentent en sécurité. Certains d'entre eux pensent, j'ai mon petit royaume construit autour de moi. Nakwana kwa falme yangu najenga pembeni yangu. Mon église ne peut pas m'abandonner. Hata mimi nafanya kanisa yangu haiwezi kuniacha. Les frères et les sœurs qui courent mais ça ne peut pas m'abandonner. Bandugu na madada wenye kuamini ujumbe haiwezi kuniacha. Même si j'ai fait n'importe quoi, il ne peut pas me relâcher. C'est un terrain dangereux. J'ai mon petit royaume construit autour de moi. Il n'y a pas de raison que les gens m'abandonnent. Ces gens-là m'aiment tellement qu'ils ne feront jamais attention si je fais ceci ou si je fais cela. Ils ne feront pas attention. Mukusemu tafsiri ya mzuri. Atami nafwana bintu bibaya byanamu na kani. Bale bantu abawezi kunyacha. Mimi sija jiseme pote komani mbezi kwa mabandone. Atami na interprete Bible na message. Vile niko na wajia. Aba bantu walesha telma kunipenda. Abawezi kunyacha. Pa mabandone. Atami na jikomporte d'une manière. Mimi sija jiseme. Contra la parole de Dieu. Kanisa ya mwesha kunipenda sana. Unigizi mimi. Je suis serviteur de Dieu. J'ai mon petit royaume. Unaweza kubahubiri masiku ya mingi sana. Unaweza kubafundisha masiku ya mingi sana. Ama uwezi kuniacha bambatane tu na mhubiri tu wa kutokea mpaka leo hii. Allez suivre un nouveau prédicateur. Mon nom est connu dans le monde entier. Jina langu linajulikana. Ni wapi kule utaenda baseme jina yangu. Oui, Raji. Tout le monde me connaît. Cité, la famille Chabazi yote. J'ai un grand secours. Ulikuwa ya msaada mkubwa. Pour l'église. Pour ce message. Ya ujumbe. Je suis un pilier. Iko ni nguzo. C'est très bien. Vizuri. C'est mon petit royaume. La jenga kwa famille yangu kadogo. Même si j'ai fait entrer la mondialité dans l'église. Atani ingisha kidunia mkanisa. Il n'y a pas un problème. Les gens, n'en feront pas un problème. Bantu batafa. Les gens même. Bantu balalipeni. Même si j'ai laissé la fausse doctrine entrer, ce n'est pas un problème. Ma mafundisho ya bongo ingia mkanisa ina mambo. Si on j'ai relâché un peu dans l'évangile, ce n'est pas un problème. Les gens m'aiment. Ils ne vont pas s'en faire. Ils connaissent. Comment Dieu m'a utilisé? Pourquoi on conclut par mon ministère? Laissez-moi te guérir par mon ministère, dans mon ministère. C'est ça le terrain dangereux des prédicateurs et des pasteurs. Ce n'est pas pour rien que Fobanam a dit les prédicateurs doivent surveiller la popularité. Parce que c'est l'une des choses qui amène l'orgueil dans le cœur des prédicateurs et des pasteurs. Mais l'église de Dieu, l'église de Kambo, nous devons être comme des Béréens. Ah, que faisaient les Béréens? Ils vérifient tous les enseignements que Paul leur apportait si cela était conforme aux Écritures. C'est pour autant qu'ils doutaient le ministère de Paul? Non. C'est pour d'autant qu'il avait manqué confiance en Paul. Non. Il savait que Paul était le messager. La colonne de feu était sur sa tête. Dieu avait opéré des grandes choses. Beaucoup d'églises étaient nées dans son ministère. Mais cela n'a pas empêché les gens dans le cœur étaient attachés au royaume, à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Les enseignements et les prédications de Paul. L'église n'est pas obligée de croire aveuglément, d'accepter aveuglément tous les enseignements que le pasteur donne. Non. Apana. L'église est appelée à veiller. C'est pourquoi j'ai toujours aimé ce cantique dont notre diacre Delicacy Kabeya a composé sous l'inspiration. Il a chanté, nous chantons ce cantique ici. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Vous voyez, nous devons veiller. Parce que le diable rôde partout. Il ne laisse personne. Le diable attaque tout homme. Le diable ne craint personne. Le pasteur veille et l'église aussi veille. Vous voyez, si le pasteur veille, l'église veille, la crainte de Dieu sera dans l'église. Oui, bien-aimé frère. Il n'y a pas de garantie dans ce domaine. Akuna muta takwambia kusema nono. Bien parce que moi je suis pasteur. Niko mubiri. Je suis un enseignant. Alors acceptez n'importe quoi. Non. C'est faux. Bon. Non. Hapana. La vérification kuchunguza ne signifie pas manque de confiance. Oui, bien aimé frère et soeur. Kama tunafanya hivi, hata mimi nahubiri hivi, kanisa yangu inaisha kunipenda, haitasema kitu. Kanisa aina ya pastori, kanisa aina ya wahubiri, kanisa ni ya Mungu, na kanisa inapasha kupokea mpaka neno la Mungu, na kanisa inapasha kuverifie maenseignement ya wahubiri, maenseignement ya pastori. C'est pourquoi frère Branham, dans l'onde dans l'église, il dit ceci: le pasteur ne doit pas se rétracter lorsque quelques questions lui sont posées sur ce qu'il a prêché. Il doit savoir qu'est-ce qu'il déclare. Mukanisa, ce n'est pas un lieu où on doit faire de la politique, où on doit faire des déclarations d'animation. Non. Car nous nous tenons ici, la crainte doit remplir nos cœurs, sachant que chaque parole qui sortira de notre bouche nous sera redemandée. Amen. On ne doit pas blaguer. Doit se tenir sous ses gardes. Ne doit recevoir rien que la parole. Si le pasteur est dans la crainte, il ne prêche que la parole. L'église dans la crainte ne reçoit que la parole. La main de Dieu sera avec cette église là. Oui, bien aimé frère, il n'y a de sécurité. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Dieu dada. Pas de compromis. Oui, bien aimé frère. Osias était le béni de l'Éternel. Regardez son témoignage. Ce n'est pas le témoignage d'un homme, c'est le témoignage de Dieu. Oui, bien aimé frère et soeur. Un chrétien Christ n'est pas un suiveur de prédicateurs. Un chrétien Christ n'est pas un acolyte d'un pasteur. Non. Nous respectons le pasteur. On est nommé de Dieu, mais nous ne devons pas être des acolytes des pasteurs. Non, bien aimé frère. Oui, bien aimé frère. Fobanam disait, même dans l'église, il doit y avoir de temps en temps des gens qui taquinent le pasteur pour l'équilibrer. C'est dans question-réponse sur les Hébreux. Fobanam le dit dans question-réponse sur les Hébreux, je n'ai pas le temps de le lire. Dans l'église, il doit y avoir des gens de temps en temps. Même quand on pose des questions, pourquoi on demande des questions? C'est pour s'équilibrer. Tous les critiques positifs. Tous les critiques positives sont acceptées par la parole. Là, la Bible refuse les critiques négatives. Vous voyez, bien, mes frères. Lorsqu'on critique quelque chose pour l'améliorer, c'est bien. Quand on critique quelque chose pour son avancement, c'est on le fait par amour. Ces critiques-là ne sont pas prohibées dans la parole. Ce que Dieu refuse, c'est celui qui critique par haine. Lorsque vous critiquez par haine, c'est ce qui est faux. Ce n'est pas par destruction. Vous voulez détruire. C'est le diable qui le fait. Oui, bien-aimés frères et sœurs, personne n'est en sécurité. Et vous, l'église, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que le pasteur dit. Vérifiez tout ce qui est dit. Est-il conforme à la parole ou au message? Ce que le pasteur enseigne, ce que notre pasteur enseigne, est-il conforme et au message et à la Bible? Si c'est conforme au message à la Bible, ok, d'accord, pas de problème. J'ouvrirai mon cœur pour accepter cela. Parce qu'il y a la bénédiction, il y a la vie, il y a la sécurité. Oui, bien-aimés frères et sœurs. En tout pasteur, en Kuria, en Ajiba, en Ekala Mouzouri, Kisha, en Atatou, libertinage, il lève les barrières, la mondanité entre, le péché entre, et l'église ne dit rien. Ça, c'est une église de morts que moi j'appelle des fainéants. Des gens qui fainéantent dans la parole. L'église de Dieu doit avoir des hommes et des femmes vivants. Où qu'on a son Bible, où qu'on a son message, pas une église amorphe, des fainéants qui attendent tout du pasteur et des prédicateurs. L'église doit être vivante. Ils lisent, ils sont aussi la parole. Quand le pasteur prend la parole, quand le prédicateur prêche, il prend aussi la Bible. Ils lisent. Vous voyez, ils sont de la verset. Ils sont de la message. Vous voyez, ça les rassure. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs. Oh frère, ministère, Baripachani va ouvrir et tout. Ministère à l'état pour ouvrir, mais où est Baripachia Macho, tu au sommet. Tu as les yeux pour lire. Pour vérifier ce que tu lis, c'est ce que tu entends. Si beaucoup de fausses doctrines sont nées dans ce message, s'il y a des divisions dans ce message, c'est ce principe qu'on a oublié dans toutes les églises du message. Trop de confiance abîme l'œuvre de Dieu. Trop de sécurité abîme l'œuvre de Dieu. Et l'église et le prédicateur, ils doivent veiller. Oui, bien aimés frères et sœurs. Ici, je me sens libre. Ce sont des choses que je ne peux pas déclarer ailleurs. Ça m'engage devant Dieu parce que je répondrai. Oui, bien aimés frères et sœurs. On doit veiller. Pas laisser n'importe quoi. Aujourd'hui, comment ce message que Dieu a envoyé, confirmé par la colonne de feu, Léon, Non. Il y a quelque chose de faux. Ni moi, les supporters des prédicateurs, les supporters des pasteurs, un chrétien est un supporter de la parole. Il est fanatique d'une seule chose, la Unaona nduku? Frère et sœur. Unaona dada? La sécurité tue. Ukingo unakuwa na huwa. Hapana kanisa wao wasema, "Hii mashuku, pasteur wewe kuna voila mzuri." Tabia. Unaona vile pasteur? Ni baraka ya Mungu sana. Unaona vile pasteur atanenepa ndugu. Est-ce que c'est ce qui doit préoccuper les cœurs des croyants? Je n'ai pas son angaisha moi. Est-ce que vous avez cru? Eti. Pour glorifier la santé du pasteur. Kutukuza afya ya mchungaji. La bima du pasteur. Au kutukuza mavazi ya mchungaji. Ou le langage du pasteur. Au msemeo wa mchungaji. Non, bien aimé frère. Hapana. Nous avons cru. Pour que le pasteur. Sema en nous. La parole de vérité. Pour nous amener dans l'enlèvement. Pas de compromis. Hapana mambo kusikiliza na yule anene. Pas de blagues. Hapana mamichezo. L'air est mon fait. L'air est tellement avancé. Toute la vérité doit être proclamée. Que ceux qui veulent mourir, qu'ils meurent même. Amen. Ceux qui sont destinés à la mort, qu'ils meurent. Ceux qui sont destinés à la vie, qu'ils se relèvent, qu'ils voient Jésus à la porte, qu'ils se secouent, qu'ils réparent leur vie, qu'ils réparent leur foi, qu'ils attendent le Seigneur. Le temps d'amusement est terminé. Quand on a fait la fois d'amusement, oui, foigne. Mais il y a les élus. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Quand on a fait la coutume à Bourafiki, oui, c'est ça où tu as mon goût. C'est ton problème. On a fait la couillacolite. On a fait la couillacolite. Wa Boubili, ya pasteur. Nikasia. On a fait la couillacolite. C'est ton problème. Mais la vérité doit être proclamée. La sécurité tue. Oui, bien aimé frères et sœurs. J'aime mon petit royaume. Ils ne feront rien. Même si je prêche, même si je dis ceci, même si je fais cela, même si j'introduis ceci. Bien aimé frères, nous devons avoir la crainte de Dieu. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas apprécier un pasteur. Léon, aujourd'hui, les tonnerres sont révélés. Amen, Kaïsa, alléluia, alléluia. Je tourne à gauche demain. Les tonnerres ne sont pas révélés. Alléluia, alléluia. C'est ma amine. Ni Kaïsa, il y a bien ma gym. Il y a du well away. Les insensés. On a couru à Léon, non? Tu viens. Poudre, il y a bien. Les femmes. Qu'est-ce qu'on a couru à Téla? Poudre, les femmes. Pas là. Comment les oubliés qu'à se poudrer comme vaille? Par révélation, il n'a pas qui a pas comme vaille. N'a pas été condamné, n'a pas comme moins chaud. Il n'a pas condamné ça jusqu'à ma mort. Amen. Oui, bien aimé frère. Adam, il est dans les États-Unis. Aïe, les États-Unis, ça ne change. Il n'a pas quoi la poudre de quoi nous ouvrir. Je ne verrai jamais ça comme ça. C'est vrai. Non, bien aimé frère. Abana, nous. J'ai mon petit royaume. Oh, mais je me tiens à la fin de mes angles. Oh non, frère. Oh, Nduku. Kukama, on a connu. Si tu veux. Ah, on a l'air de nouveau. Tu n'es pas né. L'Église, alléluia. Alléluia. C'est lui qui boit. N'est pas né de nouveau. C'est lui qui dit. Dieu m'a terminé la couille. Deux semaines après. Frère. Nduku. Vous allez, nous serons des lumières à lumière. Des connaissances à connaissances. C'est que l'Écriture refuse. C'est l'ivresse. Boire, ce n'est pas un péché. Alléluia. Frère, ça c'est une église, ça. C'est une église des insensés. Amen. On ne dit pas amen à n'importe quoi. Amen signifie vini fanikiye paka vile wa Mungu na isema. Amen. On ne donne pas notre amen à n'importe quoi. Non, non, non, non, non, non. On ne doit pas jouer, on ne doit pas jouer avec les âmes, on ne doit pas jouer avec la parole. Voilà les rêves de Fias. Voilà les prédicateurs d'aujourd'hui. Personne n'est en sécurité. Oui, bien aimé frère. Attends, si j'ai un problème, je dois aller comme l'esprit me conduit de le faire. Parce que vous faites la vie de vous voyez bien aimé frère. Non, non, du coup. Ces gens là même tellement qui ne feront jamais attention si je fais ceci ou je fais cela. Permettez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un qui regarde et c'est Dieu. Dieu regarde, la Bible dit, il veille. Il veille sur quoi? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Kama unacha, we sauti ya Mungu, unabandone sauti ya Mungu, na pasteur, na kanisa, Dieu va vous abandonner. Dieu n'est pas notre grand-père, notre grand-père. Non, bien aimé frère, il nous appelle ses amis. Un ami Rafiki ne cherche pas à briser lesquels de son ami. C'est ce qui fait notre amitié. Pour Rafiki, il y a un il veut sur sa parole pour l'accomplir. Il veut sur la parole pour l'accomplir. Quand vous obéissez, il sait que celui qui obéit doit besoin d'être béni. Et Dieu vous bénit. On a un coup désobéir. Il veille encore sur cette parole. Il dit celui qui désobéit doit être maudit. Voilà comment Dieu traite. C'est comme ça qu'il agit. Il veille. Frère, c'est pourquoi Jésus a dit, si un aveugle est conduit par un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Mais ils sont où aujourd'hui? Les pasteurs couchent avec les femmes. Des désordres dans l'église. Ils sont tous sauf les diables. Aujourd'hui, les églises sont des repères de tous les démons. Pourquoi les gens n'ont pas veillé? Les prédicateurs n'ont pas veillé. L'église n'a pas veillé. Vous voyez bien mes frères, mais Dieu a veillé. Il veillait sur la parole pour l'accomplir. Quand Luther est venu, Dieu veillait sur la parole. Tous ceux qui ont cru au message de la justification, Dieu a veillé pour les sauver. Quand les luthériens sont venus, ils ont abandonné la véritable justification. Dieu aussi a veillé pour les maudits. Et il ne passait pas la sanctification. Il est parti chez les motifs, chez les méthodistes. Il est parti avec Wesley. La colonne de feu est sortie chez les luthériens. Il est parti maintenant avec Wesley. Et c'était la sanctification. Et ils ont été bénis terriblement. Vous voyez, quand ils sont tombés, ils sont abandonnés. Ils se sont construits un royaume autour du nom de Wesley. Dieu a regardé. Sa volonté n'y était plus. Il les a abandonnés, les partis chez les pentecôtistes. Vous voyez bien mes frères, les pentecôtistes ont été terriblement bénis. Les langues, les prophéties, les miracles. Mais ils se sont construits encore, érigés des murs. Et Dieu a regardé. Il ne faisait plus sa volonté. Il a suscité le message du temps de la fin. Vous voyez mes frères, avec William Branham. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens maintenant qui semblent croire le message du temps de la fin ne veillent plus. Vous voyez, mes mêmes frères, ils se sont érigés autour de William Mario Branham. Frère, nous croyons le message. C'est William Mario Branham. William Branham, c'est le messager. Il a été confirmé par la colonne de fer. Tout cela, ce sont de bonnes paroles, mais qui ne peuvent pas aider un véritable croyant. Qu'un véritable croyant prenne ce que cet homme a dit dans la pureté qui produise les fruits. Voyez bien, mes frères, le message du soir produit la vie du soir. Oui, bien, mes frères, les résultats du soir, ça produit les résultats du soir. Voyez bien, mes frères, aujourd'hui, la plupart de ceux qui se disent croire le message sont abandonnés. Dieu n'est plus dans les assemblées du message. Dieu est dans les individus qui croient le message du temps de la fin. Dieu n'a pas envoyé le message pour conformer les églises. Dieu a envoyé ce message, c'est pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse n'est pas liée à un n'est pas lié à un enseignement, il est lié à Christ lui-même. Et Christ est la parole de vérité. Le message est révélé du temps de la fin. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Maintenant, ceux qui s'attachent à la dénomination. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la dénomination du message. Je prends le message. Ce n'est pas ça la garantie, c'est une dénomination. Frère, Dieu est un chrétien. Frère, je crois le message. Tu y es seulement un dénominationnel. Frère, es-tu un chrétien? Je suis du tabernacle. Tu es un dénominationnel. Un dénominationnel sans expérience et sans Dieu. Personne n'est en sécurité. Oui, bien aimé frère. Personne n'est en sécurité. Aucun homme n'est en sécurité. Excepté Dieu. Le ciel est en sécurité parce que lui ne change jamais. Vous voyez bien mes frères, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui bien mes frères, la sécurité de Dieu, la sécurité des prédicateurs de Dieu. Vous voyez bien mes frères, oh frère, vous voyez, Dieu m'a béni maintenant, j'ai une grande assemblée, une belle assemblée, vous voyez. C'est ça la voie de la mort. Les gens ne feront pas attention à ce que Dieu fait. Pongo, il y aura toujours quelqu'un qui veillera ce que tu fais. C'est pourquoi frère, les soeurs, gardons nos cœurs contre cette fausse sécurité. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons demain. Lèvons-nous pour la prière. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Veillez sur la parole. Veillez sur la vie. Veillez sur les enseignements que vous recevez. Priez. Demandez le secours à Dieu. Seigneur, donne-moi un discernement pour savoir différencier ce qui est bon et mauvais. Prions-nous tous ensemble.